ici par hasard. Je viens à Paris pour te voir. J'ai pris le train midi 7. Suis, tu sais, où y a une buvette. Je suis pas ici pour le shopping. J'aime pas lécher les vitrines. Je viens à Paris pour te voir. Surtout pas par hasard. Au village, rien de vraiment neuf. Alfred et Boeuf, Julien a eu des jumelles. Et Rose, elle s'est mariée. Mariage pluvieux, mariage heureux. Qu'est-ce que tu fais pour Noël? Je suis pas ici par hasard. Je viens à Paris pour te voir. Tu sais, j'ai bien regretté ce qui s'est passé cet été. Mais sur le coup, je me suis fâchée quand tu m'as dit que t'étais mariée. Maintenant, ça n'a, quand j'y pense, vraiment plus d'importance. Est-ce que je peux rentrer? Non, t'es pressée, je te retiens pas. Ta maison a l'air très belle. T'as mon numéro 00. Ah bon, tu l'as? Moi, je fais rien pour Noël. Ben, je vais te dire au revoir. J'avais envie de te revoir. Même sans savate, pas poncée, en cravate, propre et bien rasée. Un de ces jours, monsieur qui m'a fait l'amour et menti, je reviendrai sans espoir, mais jamais